Nous voilà arrivés à la fin, il manque juste le générique de fin. On aura fini de découvrir avec vous les talents de The Mafia 20h20. As-tu un dernier mot à dire avant la fin ? Oui, tout à fait, je remercie tous ceux qui m'ont connu et encouragé. Et comme on dit au Japon, sayonara ! C'était la radio libre, à vous l'antenne.